But at midnight, mais à minuit, there was a shout, il y a eu un cri. Behold, voici, the bridegroom, go out to meet him. L'époux, allez à sa rencontre. Verse 7, precious people. Le verset 7, précieux peuple. He says, then all those virgins got up. C'est dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent. And put their own lamps in order. Et préparèrent leurs lampes. And the foolish ones say to the wise, les folles dirent aux sages, give us some of your oil, for our lamps are going out. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. But the wise replied, mais les sages répliquèrent, there will not be enough for us and for you. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Go instead to the dealers and buy for yourselves. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. But while they were going away to buy, the bridegroom came. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. And those who were prepared went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verse 11. Le verset 11. Later the other virgins also came and said, Lord, Lord, open the door for us. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. But he replied, mais il répondit, I solemnly declare unto you, je vous le dis en vérité, I do not know you, je ne vous connais pas, I am not acquainted with you, je ne suis pas en relation avec vous. Now the NIV even puts it in a much more simpler form. Maintenant, la version NIV le dit dans une forme beaucoup plus simple. With the title of the parable of the ten virgins. Avec le titre de la parabole des 10 vierges. And he says, et il dit, at that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Dans ce temps, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. And he says, 5 of them were foolish and 5 were wise. Et il dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. And he says, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Et il dit, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des jarres. The bridegroom was a long time in coming. Comme l'époux tardait, and they all became drowsy and fell asleep. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verse 6 he says, au verset 6, il est dit, at midnight, à minuit, the cry rang out, le cri se fit entendre, come out to meet him. Venez pour le rencontrer. Then all the virgins woke up, alors toutes ces vierges se réveillèrent, and trimmed their lamps, et préparèrent leurs lampes. The foolish ones, les folles, say to the wise, dirent aux sages, give us some of your oil, donnez-nous de votre huile, our lamps are going dry, nos lampes s'éteignent. No, they replied, non, elles répondirent, there may not be enough for both us and you, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Instead, go to those who sell oil, allez plutôt chez ceux qui vendent de l'huile, and buy some for yourselves, et achetez-en pour vous. But while they were on their way to buy the oil, pendant qu'elles allaient en acheter, the bridegroom arrived, l'époux arriva. The virgins who were ready went in with him, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, into the wedding banquet, dans la salle des noces. And the door was shut. Et la porte fut fermée. Later, the others also came. Plus tard, les autres vierges vinrent. Sir, sir, they said, Seigneur, Seigneur, dirent-elles. Open for us. Ouvre-nous. But he replied, I tell you the truth. Mais il répondit, je vous le dis en vérité. I do not know you. Je ne vous connais pas. So precious viewers, alors, précieux auditeurs, why am I introducing the concept of wisdom? Pourquoi est-ce que je suis en train d'introduire le concept de sagesse into this mighty vision of November 1, dans cette puissante vision du 1er novembre, the year 2006 at 3 a.m. dans l'année 2006 à 3 heures du matin, when the Lord presented the two wedding rings, quand le Seigneur a présenté les deux anneaux de noces, very glorious and golden, très glorieux et en or, and mighty, et puissant, into the entrance to heaven that he opened into the sky, à l'entrée des cieux quand il a ouvert le ciel, and he placed them there. Et il les a placés là. Look, because Jesus himself, regardez, parce que Jésus lui-même, when now it came time for him to talk about the wedding of the Lamb of God, et que maintenant le temps est venu de parler à propos du mariage de l'agneau de Dieu, he said at that time there will be two types of churches. Il dit, dans ce temps, il va y avoir deux sortes d'églises. The wise church, les églises sages, and the foolish church, et les églises folles. And he says in verse 5 of Matthew 25, et il est dit dans le verset 5 de Matthieu 25, that because the bridegroom was long time in coming, parce que l'époux tardait à venir, both the wise virgins, toutes les deux, les vierges sages and the foolish virgins, et les vierges folles, became drowsy, s'assoupirent and fell asleep, et s'endormirent. What do you see in the church today? Qu'est-ce que vous voyez dans l'église aujourd'hui? Today I see a church, aujourd'hui je vois une église, that has waited for the bridegroom, qui a attendu pour l'époux, who is long time in coming, et qui vient, qui tarde à venir, and she has fallen asleep, et elle s'est endormie, she became drowsy and fell asleep, elle s'est assoupie et s'endormie. But why would I say such a thing? Pourquoi est-ce que je dirais une telle chose? Listen to me very carefully. Écoutez-moi très attentivement. The Bible speaks very, very clearly on this matter of drowsiness. La Bible parle très, très clairement à propos de cet assoupissement and sleepiness in the church. Et l'endormissement de l'église. In fact, the very book of Matthew says, en fait, le même livre de Matthieu dit that there was a planter, qu'il y avait un planteur, who went out and planted good seed, qui sortit et planta de la bonne graine in the field, in the garden, dans le champ, dans le jardin. But while they were asleep, mais quand il s'est endormi, those who were supposed to have taken care of the crop, ceux qui étaient censés prendre soin de cette semence, while sleep came, quand le sommeil est venu, and drowsiness befell, et l'assoupissement est tombé, then, alors, the enemy came, l'ennemi est venu, and planted the bad seed, weed seed, et plante des mauvaises herbes within his crop, dans cette autre semence. And so when they woke up, et quand ils se sont réveillés, they found that weed had mixed with a good crop. Ils ont vu que des mauvaises herbes ont été mélangées avec la bonne semence. Listen to me, precious people. Écoutez, peuple précieux. The Bible speaks very clearly, la Bible dit très clairement, that when the church goes to sleep, que quand l'église s'endort, the enemy, l'ennemi, the adversary, l'adversaire, brings bad seed, apporte de mauvaises graines and plants, et les plante. And that's why verse 5 of Matthew chapter 25, c'est pour ça que le verset 5 de Matthieu 25 is very pertinent, est très pertinent, is extremely critical, c'est très important, to this mighty conversation the Lord is having with the church, que cette très grande conversation que le Seigneur a avec l'Église regarding the wedding of the Lamb of God, à propos du mariage de l'agneau de Dieu, the Lord is telling the church, le Seigneur est en train de dire à l'Église that, look, the wedding rings have been finalized, que regardez, les anneaux de noces ont été préparés. Their preparation has been accomplished and finished in heaven. Leur préparation a été accomplie et terminée dans le ciel. Wake up from that drowsiness and sleepiness. Réveillez-vous de cet assoupissement, de cet endormissement. And trim your lamps. Et prenez vos lampes. He's telling the church to trim her lamp. Il est en train de dire à l'église de prendre sa lampe. Because when the church went to sleep, parce que quand l'église s'est endormie, even the quality of life she emits, même la qualité de vie qu'elle émet from her lamp, de sa lampe, has been compromised, a été compromise, thereby creating the need, par là créant le besoin, to retrim the lamp, de reprendre les lampes, and fill them with new oil, et de les remplir avec de l'huile nouvelle, that the lamps may now glow, que les lampes puissent maintenant briller, and give forth the light that is commensurate with this hour, et donner la lumière qui est en harmonie avec cette heure. This dispensation, somebody. Cette dispensation. Hallelujah. Alléluia. And so the Lord is speaking very clearly here. Et alors, le Seigneur est en train de parler très clairement ici. It's a wake-up call. That's why I said it's a wake-up call to the church. C'est un appel au réveil. C'est un appel au réveil à l'église. That look, the wedding of the Lamb of God is near. Que regardez, les noces de l'agneau de Dieu sont là. But the Bible says also here in the same Matthew. Mais la Bible dit ici, dans le même Matthieu, that the bridegroom comes at the midnight hour, que l'époux vient à minuit, à l'heure de minuit. And yet we all know, et maintenant nous savons tous too well, trop bien, that immediately it strikes 11 p.m. immédiatement 11 heures sonne in the night, dans la nuit, pitch darkness always tends to consume the skies. Profonde ténèbres essayent toujours de consumer le ciel. As it is in the physical, comme ça l'est sur le plan physique, so it is in the spiritual. Alors c'est la même chose sur le plan spirituel. We are all aware now that we have entered the 11th hour. Nous savons tous maintenant que nous sommes entrés dans la 11e heure. When any moment now the wedding of the Lamb will take place. Quand à tout moment les noces de l'agneau vont prendre place. That means there is extreme darkness. Ça signifie qu'il y a des ténèbres extrêmes. There is pitch darkness. Il y a des profondes ténèbres. In the spiritual realm. Dans le domaine spirituel. That has consumed the four ends of the earth. Qui ont consumé les quatre coins de la terre. And this has levied, has placed an added demand. Ceci imposé a placé dans une autre requête. On the amount and the quality of light, sur la quantité et la qualité de la lumière, that the church ought to emit, que l'église est censée émettre. The Lord said, le Seigneur a dit, you are the light of the world, vous êtes la lumière du monde. So the Lord is asking the church to trim her lamp, alors le Seigneur est en train de demander à l'église de prendre sa lampe, that she may participate, pour qu'elle puisse participer in this latter harvest, à cette dernière moisson. There is a lot going on today in the world. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'aller dans le monde. That makes it inevitable. Qui le fait inévitable. For the heathen to seek God. Pour les païens de chercher Dieu. To seek for solutions in their lives. Pour chercher des solutions pour leur vie. And the most important solution that the church can ever present. Et la plus importante solution que l'Église ne peut jamais présenter, is the light of God. C'est la lumière de Dieu. The financial markets have crashed. Le marché financier de Christ. There are earthquakes across the globe. Il y a des tremblements de terre autour du globe. There are wars. Ils sont plus mauvais. There are diseases. Il y a des maladies. There are many things happening. Floods, name it. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde. Des inondations, nommez-les. I prophesied them all. Je les ai toutes prophétisées. I remember when I prophesied the Asian tsunami. Je me souviens quand j'ai prophétisé le tsunami d'Asie. On November 24th. Le 24 novembre. The year 2004, for the first time. L'année 2004, pour la première fois. And 1 month from then it took place. Et un mois depuis là, et il a pris place. I remember in 2007 when I was in Pakistan, Lahore. Je me souviens en 2007, quand j'étais au Pakistan, dans la capitale Lahore. When I prophesied. Quand j'ai prophétisé. This earthquake that was coming to Pakistan after the first major one. Que ce tremblement de terre qui va arriver au Pakistan après le premier qui était important. And look, it took place. Et regardez, c'est arrivé. I remember on 20th, beginning 18th to 20th of July 2005. Le 20, en commençant le 18 jusqu'au 20 juillet 2005. When I prophesied in City Hall. Quand j'ai prophétisé dans le City Hall. In a big meeting. Dans un grand rassemblement. At Nairobi City Hall. À Nairobi, dans le City Hall. I prophesied about the coming of a huge storm from the Atlantic Ocean. J'ai prophétisé à propos de la grande tempête de l'océan Atlantique to New Orleans. À la Nouvelle-Orléans. And just 1 month and 9 days. Et juste 9 mois et 9 jours. August 29th, 2005. Au mois d'août, le 29 2005. Hurricane Katrina came and did the destruction that I said it would bring. L'ouragan Katrina est venu et a fait la destruction que j'ai dit qu'il allait apporter. There are many things. The Iranian earthquake, Russian earthquake. I prophesied them. Il y a beaucoup de choses. Le tremblement de terre iranien, le tremblement de terre russe, je les ai prophétisés. 5 days it took place in Iran. 5 jours et ça a pris place en Iran. March 26th. En mars 26. March 25th, Saturday, March 26th, Sunday 2006. En mars le 25, le samedi, et en mars le 26, le dimanche 2006. That Friday, 31st March 2006. Et ce vendredi, le 31 mars 2006. The Iranian earthquake took place. Le tremblement de terre iranien a pris place. April 21st. En avril, le 21. 2006. 2006. The Russian earthquake took place. Le tremblement de terre russe a pris place. These are some of the distresses of these days. C'est quelques-unes de ces détresses en ce temps. That Jesus so much emphasized in Matthew 24. Que Jésus souligne tellement dans Matthieu 24. Beginning verses 4 to verse 8. En commençant par le verset 4 jusqu'au verset 8. When he said there will be famines and earthquakes in various places. Quand il dit qu'il y aura des famines, des tremblements de terre dans plusieurs endroits. But these are the beginnings of birth pain. Ceci est le commencement des douleurs de l'enfantement. That's verse 8. Au verset 8. And then verse 9 of Matthew 24 he says. Et ensuite, au verset 9 de Matthieu 24, il est dit. Then after that you'll be handed over to be persecuted. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Now that handed over and persecuted. Dans ce temps où on vous livrera et on vous persécutera. Only takes place during the tribulation and great tribulation. Prend seulement place pendant la tribulation, la grande tribulation. The first 3.5 years of the tribulation. Les premiers 3 ans et demi de la tribulation. And the last 3.5 years of the tribulation, which is the great tribulation. Et les dernières 3 ans et demi de la tribulation, qui est une grande tribulation. But before the tribulation takes place. Mais avant que la tribulation n'arrive. The rapture has taken place. L'enlèvement aura eu place. The wedding of the Lamb of God has taken place. Le mariage de l'agneau de Dieu aura pris place. And that's why this was a major wake-up call to the church. C'est pourquoi c'était un grand appel à l'Église de se réveiller. When the Lord presented the two wedding rings in that mighty vision of God Almighty. Dans cette présentation des anneaux de noces, dans cette puissante vision du Dieu Tout-Puissant. On November 1, 2006. Le 1er novembre 2006. At 3 a.m. À 3 heures du matin. In other words, he's telling the church, look. En d'autres mots, il dit à l'Église, regarde. The wedding of the Lamb of God has drawn nigh. Le mariage de l'agneau de Dieu s'est approché. Please trim your lamps. S'il vous plaît, prenez vos lampes. Because there is so much pitch darkness now. Parce qu'il y a tellement de profondes ténèbres maintenant. And prepare yourselves. Et préparez-vous vous-même. Even in wearing the fine linen. Même en vous revêtant de fin lin. Bright and clean. Brillante et pure. Dazzling. Éblouissant. And glorious. Et glorieux. And radiant. Et radiant. Which means the Lord is asking the church to go back to holiness. Qui signifie que le Seigneur est en train de demander à l'Église de revenir à la sainteté. The book of Hebrews chapter 12 verse 14 says. Le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14 dit. Make every effort to live in peace with all men. Faites tous vos efforts pour vivre en paix avec tous les hommes. And to be holy. Et d'être saint. For without holiness, no one will see the Lord. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. That tells you that holiness is the benchmark. Ça vous dit que la sainteté, c'est l'empreinte. Is the common denominator, the standard. C'est les dénominateurs communs, le standard. Without which nobody will enter the wedding of the Lamb. Sans laquelle personne ne participera aux noces de l'agneau. Without which the church cannot enter the kingdom of God. Sans laquelle l'Église n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Without which you as Christians cannot see the Lord. Sans laquelle vous, en tant que chrétien, vous ne verrez pas le Seigneur. Remember every word in this book of prophecy, the Bible. Souvenez-vous, chaque mot de cette parole de prophétie, la Bible, must be fulfilled. Doit être accompli. And that's why the Lord is saying. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire. The dispensation has arrived. La dispensation est arrivée. For the church. Pour l'Église. To receive the Holy Spirit. De recevoir le Saint-Esprit. And that's why you see that the five wise virgins. Et c'est pourquoi vous voyez que les cinq vierges sages. They had an extra jar of oil. Ils avaient une jarre en plus d'huile. Symbolic of the Holy Spirit. Symbolisant le Saint-Esprit. That enabled their lamps to light up even in that 11:59 p.m. Qui rendent leurs lampes capables de brûler même à 11h59 du soir. When the bridegroom came. Quand l'époux est venu. They were in the spirit. They were spirit filled. Elles étaient dans l'esprit. Elles étaient remplies de l'esprit. And they entered the spiritual wedding banquet of the Lord. Et l'entrée dans le banquet spirituel du Seigneur. And so the Lord is speaking to the church. Alors le Seigneur est en train de dire à l'Église. On the need to emphasize. Dans le besoin de souligner. On the Holy Spirit. À propos du Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Recevez le Saint-Esprit. Be transformed from a physical Christian. Soyez transformé d'un chrétien physique. A physical church. D'une église physique. The physical realm. D'un domaine physique. Into a spiritual church. En une église spirituelle. The spiritual realm. Dans un domaine spirituel. A spiritual Christian. En un chrétien spirituel. Remember in the book of 2 Corinthians. Souvenez-vous dans le livre de 2 Corinthiens. Chapter 6. Chapitre 6. Verses 14 to verse 18. Verset 14 au verset 18. It talks about the wedding of the Lamb of God. Il parle à propos du mariage de l'agneau de Dieu. And he says there will only be equal yoking. Et il dit, ce sera seulement sous un joug égal. There will never be an equal yoking. Il n'y aura jamais un joug égal. There will only be equal yoking. Ils seront seulement sous un joug égal. That means like will yoke with like. Ça signifie que comme va être sous le même joug que comme. If the wedding rings in the sky are very identical. Si les anneaux de noces dans le ciel sont très identiques. That means the Lord is emphasizing to the church in this hour. Ça veut dire que le Seigneur est en train de souligner à l'église que en cette heure. That she may be Christ-like. Qu'elle doit être à la ressemblance de Christ. If Christ is holy, si Christ est saint, then the church too, alors l'Église aussi, has the Holy Spirit who helped Jesus, comme le Saint-Esprit a aidé Jésus to walk holy, de marcher dans la sainteté, to be righteous, d'être juste, to overcome sin, de vaincre le péché, that same Holy Spirit is available to the church, ce même Saint-Esprit est à la disposition de l'Église that she can walk righteous, pour qu'elle puisse marcher dans la justice, be righteous, be holy, être juste, être sainte and overcome sin. Et vaincre le péché. That's why the Holy Spirit, c'est pourquoi le Saint-Esprit is now the most central person in the church. Est maintenant la personne la plus centrale dans l'Église. The person of the Holy Spirit. La personne du Saint-Esprit. He must be centralized in the church right now. Doit être centralisé dans l'église juste maintenant. Because then he can transform the church. Parce que ensuite il peut transformer l'église. Then she can overcome the world like Jesus did. Alors elle peut vaincre le monde comme Jésus l'a fait. Then she can be Christ-like. Alors, elle peut être à la ressemblance de Christ. And then be qualified, et ensuite être qualifiée to wear that wedding ring, pour porter cet anneau de noces. Alléluia. Alléluia.